trouve cette peur de sombrer dans la folie. Fonder une famille ou voir tomber l'acolyte. À l'heure où le diable guette avec les yeux de l'acolyte. Un coup de fil anonyme alerte les bleus de la police. Putain de casse-tête, la justice planque nos rêves. Pendant qu'à l'est des pyramides ça joue du lance-roquette. Baisse pas ta garde, méfie-toi de cette grande lopette. Le genre de Franck Lopez qui te plante pour un vulgaire plan de moquette. Tu connais que la poisse, l'angoisse écrase, le ciment te colle au basque. Parfois le silence faut nos phases. L'histoire ne compte plus les exploits d'un tyran colonial. L'État voudrait que tu sois le prochain Yvan Colonna. Yeah, anti-pouka, coup de grâce du chitane. Consentir ou pas, on s'est toujours senti coupable. Y'a pas d'issue possible, le cœur des miens saigne. Pour que le feu prenne, il suffira d'une étincelle. Yeah, anti-pouka, coup de grâce du chitane. Consentir ou pas, on s'est toujours senti coupable. On te colle une étiquette chaque fois que tu jettes ta termine. On a l'art de la guerre, t'inquiète, on fume la servie. Qui t'a gâché la fête, en fait, tu vas être servi. Le cœur des miens saigne jusqu'à la vermine. Une balle dans la tête, un keuf qui se croit tout permis. On fonce sur la bête, va pas croire qu'on s'éternise. Envoie le son de la teste et Marrakech, je reprends du service. Guerre, anti-pouka, coup de grâce du chitane. Consentir ou pas, on s'est toujours senti coupable. Y'a pas d'issue possible, le cœur des miens saigne. Pour que le feu prenne, il suffira d'une étincelle. Rigueur, anti-pouka, coup de grâce du chitane. Consentir ou pas, on s'est toujours senti coupable. Y'a pas d'issue possible, le cœur des miens saigne. Pour que le feu prenne, il suffira d'une étincelle. On sait d'où viennent proviennent les dollars qui pénètrent des guerres par les bobards. Hakla sur le tiers monde, c'est le cauchemar pour de gros fans. On sait d'où viennent proviennent les dollars qui pénètrent des guerres par les bobards. Guerre, anti-pouka, coup de grâce du chitane. Consentir ou pas, on s'est toujours senti coupable. Y'a pas d'issue possible, le cœur des miens saigne. Pour que le feu prenne, il suffit.